Les délégations allemandes, roumaines, singapouriennes, chinoises, iraniennes, vietnamiennes et formosanes sont arrivées le 21 par vol et par train à Pyongyang pour participer à la 19e foire internationale printanière de Pyongyang. La délégation italienne les a précédées.